Bosco, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des tirs nourris entendus au cours de la nuit de ce vendredi à samedi dans les alentours de la prison de Bouvanza ont fait plus de peur que de mal. Des gardiens de cette maison pénitentiaire tentaient d'arrêter trois détenus qui s'évadaient. Le président de la République du Burundi prévient tous ceux qui voudraient déstabiliser le processus électoral contre des peines suffisamment lourdes. Il l'a dit ce vendredi lors du lancement de la campagne électorale pour les communales et les législatives de juin prochain. Et l'hôpital de troisième référence d'Ngozi compte recruter dès le début de l'année prochaine quatre spécialistes des maladies qui menacent plus d'un dans la région après le départ l'an dernier de 8 médecins. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Trois détenus se sont évadés de la prison de Bouvanza au cours de la nuit de vendredi à samedi. Les habitants proches de cette maison de détention affirment avoir entendu des tirs nourris autour de 19h quand les policiers gardiens de la prison essayaient de les poursuivre. Des sources proches de la prison disent que les trois prisonniers étaient tous accusés de vol qualifié. L'un étant de Moussegna en commune Manda, l'autre est originaire de Moussigati dans la même province, tandis que le troisième est un ressortissant de la province de Ngozi, selon la même source. Un enfant de 3 ans a été tué, égorgé par sa propre mère, ce vendredi à Gisovu, en commune et province de Bouvanza, et qui a jeté le corps dans une latrine, selon les témoins sur place. Après avoir été attrapé, elle a expliqué que le père de l'enfant a refusé de lui donner la pension alimentaire pour l'enfant. Olive Nyonguru, administrateur de la commune de Bouvanza, soupçonne que cette fille mère aurait un problème mental. Spes Caritas Kavanyana. Cette fille mère venait de passer quelques jours de retour des pays arabes où elle était partie à la recherche de l'emploi selon les témoins sur Gisovu. Actuellement, elle vivait avec ses parents à la 4e avenue à Gisovu, tout près du chef-lieu de la province de Bouvanza. Ce vendredi, les parents et les voisins ont cherché l'enfant qui n'était pas à la maison depuis le matin, mais en vain. C'est après quelques heures qu'ils ont vu le corps de l'enfant dans un grand fossé servant de latrine et la victime avait été tué, égorgé, selon des témoins sur place. La fille mère, présumée auteur, a été directement attrapée et conduite au cachot de la police judiciaire de Bouvanza. Elle a expliqué que le père de l'enfant a refusé de donner la pension alimentaire, selon la même source. Le défenseur des droits de l'enfant, au niveau de la FENADEB à Bouvanza, déplore les faits et demande à la justice de sanctionner ce crime conformément à la loi une fois que la culpabilité de cette fille mère est prouvée. Olive Nyonguru, administrateur de la commune de Bouvanza, de son côté, explique que cette fille aurait un problème mental. Spes Caritas Kawanyana, Bouvanza, Radio Isanganiro. Et l'administrateur de la commune Muhanga en province Kayanza appelle sa population à en découdre avec les croyances superstitieuses. Benoît Ndayizeye lui demande également de ne plus se faire justice, mais plutôt de saisir les instances judiciaires en cas de conflit. C'est après l'assassinat d'une femme sexagénaire sur la colline Bushoka, en commune Muhanga, une femme qui avait été accusée de sorcellerie. On l'écoute dans cette traduction de notre correspondant Kayanza, Patrick Senghiyonva. Il y a allégé mieux, mais des cas se font parler à certaines collines. L'exemple est ce qui s'est passé dernièrement à la colline Bushoka, où il y a même une personne qui a été assassinée, accusée de sorcellerie. Mais nous nous réjouissons que les présumés auteurs de cet assassinat soient tous appréhendés et traduits dans la justice. Nous les interpellons qu'en cas de maladie, il faut se rendre dans des structures de soins pour subir des soins médicaux, dans des structures de santé pour subir des soins médicaux. Cela étant, même la malaria, si le patient ne s'est pas soigné à temps, elle peut tuer. Si l'on croit beaucoup à la superstition, on va penser que la cause de cette mort, c'est de la sorcellerie, alors que c'est parce que le patient ne s'est pas soigné à temps. Nous les exhortons alors à aller se faire soigner à temps en cas de maladie. Quant à la justice populaire en cas de conflit, nous conseillons à la population d'en découdre avec cette mauvaise pratique, car ceux qui le font sont punis conformément à la loi. En cas de conflit social, les gens doivent savoir qu'ils saisissent les instances judiciaires et la justice punit les auteurs des crimes conformément à la loi. « l'administrateur de la commune Muhanga, Benoît Ndaizeye. Le président de la République du Burundi met en garde tous ceux qui voudraient déstabiliser le processus électoral et que la justice les sanctionnera par des peines suffisamment lourdes. Il l'a dit ce vendredi au stade Ingoma de Gitega lors d'un défilé organisé en guise de lancement de la campagne électorale prévue à partir du 13 mai. Le président Évariste Ndayishimiye appelle les compétiteurs à faire preuve de leaders dignes de ce nom, capables d'éclairer leurs dirigés vers le développement. Suivez le président de la République Évariste Ndayishimiye, traduit par Alain Désiré Bukayeneza. Ceux qui vont à la campagne électorale, sachez qu'à l'état actuel au Burundi, nous avons besoin de dirigeants, de bons leaders qui ont une vision claire pour le pays. Allez dans la campagne tout en sachant les caractères d'un leader. Vous êtes des acteurs du changement. Il faut que les citoyens considèrent la campagne comme une occasion d'avoir de la bière. Agissez plutôt comme des leaders capables de diriger les citoyens vers le développement. Je vous mets encore en garde. Quiconque tentera de déstabiliser le processus électoral ou de torturer les autres, il sera sanctionné conformément à la loi. La justice appliquera la loi, mais j'appelle les magistrats qui s'imposera de le faire sur base des circonstances aggravantes. Parce que déstabiliser les élections est synonyme de déstabiliser l'avenir du pays. C'est pour cela que je lance un appel aux magistrats. Il faut bien entendu appliquer la loi en ce qui concerne les peines au cours de la période électorale. Mais il ne faudra pas oublier de considérer les circonstances aggravantes. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, politique toujours. Promouvoir le secteur agricole en développant l'agriculture semi-mécanisée dans les vallées et distribuer les fertilisants à temps. Voilà certaines des préoccupations que le parti CDP met dans son projet de société. Lors d'une conférence de presse animée ce vendredi, Anice Niyonguru, président de ce parti, a indiqué qu'il compte également se focaliser sur l'éducation en restaurant l'ancien système éducatif burundais. Suivez-le. Au niveau de l'agroélevage, que propose le CDP, favoriser l'agro-industrie, surtout mettre en place des industries qui fabriquent les produits alimentaires que produisent nos cultivateurs sur place. Instaurer une agriculture mécanisée dans la plaine de la Rusizi et dans les plateaux de l'est du pays. C'est-à-dire la plaine de la Rusizi, agriculture mécanisée, les plateaux de l'est, c'est-à-dire la Velkumoso, tout autour de Maragarazi. Il faut instaurer une agriculture mécanisée pour qu'il y ait une production alimentaire, disons, au Burundi et pouvoir exporter. Remettre en place une politique d'encadrement et de contrôle agricole et d'encadrement des agriculteurs n'est plus. Et chacun fait ce qu'il veut, même si ce n'est pas productif. Exiger les fertilisants adaptés aux régions et les distribuer à temps. Subventionner les semences et outils agricoles. Revoir la mesure d'enfermement des bovins dans les étables, organiser les coopératives paysannes, construire des routes et des pistes rurales et des marchés agricoles, protection des terres puissantes par le reboisement des roseaux de protection et des canaux d'amortissement des ruissellements d'eau de pluie torrentielle. Au niveau de l'éducation, il faut réformer le système fondamental avec les professionnels de l'enseignement. Recruter et motiver les enseignants, construire des infrastructures scolaires décentes, améliorer le programme scolaire, assurer l'égalité des chances pour tous nos enfants. Revoir le traitement salarial du personnel de l'éducation et cela du primaire au supérieur. Redonner à l'éducation publique une qualité d'enseignement attractive. Et l'hôpital de troisième référence d'Ongozi n'a aucun médecin spécialiste, ce qui perturbe certains services à cet hôpital, d'après Guillaume Naoukouriliayo, directeur de cet hôpital autonome, d'où il envisage de recruter dès le début de l'année prochaine 4 spécialistes des maladies qui menacent plus d'un dans cette région. D'après ce médecin directeur, le départ l'an passé de 8 médecins a également affecté cet établissement sanitaire. Apollinaire Mozagara. L'hôpital de troisième référence d'Ongozi est un hôpital qui accueille des patients transférés des différents hôpitaux et centres de santé de la région. Pourtant, cette infrastructure sanitaire n'a aucun médecin spécialiste, ce qui perturbe certains services d'après Guillaume Nakuri Gayo, médecin directeur de cet hôpital. Il envisage par conséquent le recrutement de 4 spécialistes l'année prochaine des maladies fréquentes dans cette région, maladies qui menacent plus d'un. Ce recrutement visera entre autres selon Guillaume Nakuri Gayo, un cardiologue, l'interniste, le gynécologue, le gastro-entrologue, sans oublier très prochainement le néphrologue, car cet hôpital ouvre bientôt le service d'hémodialyse. L'hôpital de troisième référence d'Ongozi fabrique actuellement de l'oxygène, ce qui diminue les coûts des soins pour les patients bénéficiaires des services de cet hôpital. D'Ongozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. L'Union européenne, à travers son initiative Global Gateway, vise à renforcer les chaînes de valeur agricoles au Burundi pour améliorer la souveraineté alimentaire, dont les investissements en cours sont à hauteur de 150 millions d'euros. Annonce de l'ambassadrice de l'Union européenne au Burundi, Elisabetta Pietrobon, ce vendredi 9 mai, lors de la célébration de la journée de l'Europe au Burundi. De son côté, le secrétaire permanent au sein du ministère des Affaires étrangères, Ferdinand Bashikako, a indiqué que le gouvernement burundais est fier des avancées déjà enregistrées dans le cadre du partenariat Union africaine-Union européenne, surtout dans la lutte contre la pauvreté. C'est un reportage d'Ornella Mucho. Lors de la célébration de la journée de l'Europe au Burundi, célébrée chaque année le 9 mai, l'ambassadrice de l'Union européenne au Burundi, Elisabetta Pietrobon, a rappelé que cette date est une occasion de célébrer la coopération européenne. À cette occasion, l'ambassadrice Pietrobon est revenue sur les projets de l'Union européenne au Burundi, axés sur différents secteurs, notamment l'investissement de 185 millions d'euros dans le domaine de l'énergie pour soutenir les infrastructures et l'accès à une énergie plus durable. L'équipe Europe a investi 185 millions d'euros dans le secteur de l'énergie et 75 millions d'euros dans le secteur de l'intégration régionale par le transport et le commerce. Également, le champ des valeurs agricoles se trouve dynamisé par Global Gateway, aussi bien pour intégrer les marchés d'exportation que pour renforcer la souveraineté alimentaire. Pour ce secteur, l'équipe Europe a des investissements en cours à hauteur de 150 millions d'euros. On a investi en tant qu'équipe Europe de 155 millions d'euros dans le secteur santé, 71 millions d'euros dans l'éducation et 55 millions d'euros dans la gouvernance démocratique et économique. Global Gateway n'apporte donc pas seulement des réponses aux défis actuels, mais trace également une trajectoire de progrès et de prospérité pour le long terme. Le secrétaire permanent au ministère des Affaires étrangères, Ferdinand Bashikako, a souligné l'importance de renforcer le partenariat entre le Burundi et l'Union européenne, surtout dans le contexte actuel marqué par des tensions géopolitiques et une concurrence économique croissante. Il est grand temps de souligner qu'aussi bien qu'en Europe, en Afrique, que partout ailleurs, des guerres ainsi que les divers conflits en cours nous rappellent combien nos sociétés peuvent être fragiles, combien nos efforts peuvent être anéantis face au contexte actuel de tensions géopolitiques et de concurrence économique croissante. Il est essentiel de renforcer notre partenariat pour répondre à nos priorités et à nos intérêts communs, notamment la sécurité et la prospérité de nos citoyens par une coopération multilatérale plus efficace et par la réforme des institutions multilatérales afin de relever collectivement les défis mondiaux communs. Lors de cet événement, l'ambassadrice Pietrobon a annoncé qu'une réunion ministérielle entre les dirigeants européens et africains est prévue le 22 mai 2025 à Bruxelles. Cette réunion servira de préparation au 7e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra en novembre 2025. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais ne tournez pas le bouton. Je suis toujours là pour la revue de presse. Isangani. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Le centre d'incubation Inde-Afrique de Bouyenzi, un centre de métier bien équipé, mais qui fonctionne au ralenti, faute de connaissances, regrette son directeur dans une interview accordée à l'agence burundaise de presse. Gérard Nahawandi a fait savoir que ce centre basé en zone Bouyenzi, en mairie de Bujumbura, a commencé en 2017 en donnant des formations gratuites dans trois filières, notamment la transformation agroalimentaire, la transformation industrielle ainsi que la couture. Il précise que ce centre est équipé de plusieurs machines qui n'ont malheureusement pas de guide d'usage pour leur utilisation afin de bien fonctionner. Il a également déploré, toujours dans les colonnes de ce quotidien, qu'il travaille sans programme validé par le ministère. En effet, explique-t-il, ces programmes ont été promis depuis 2017, mais n'ont jamais été livrés, et demande aux autorités du ministère de l'Éducation nationale de faire le suivi de ce centre afin qu'il puisse fournir des connaissances suffisantes. Après la flambée, une chute inattendue des prix soulage les ménages, constate Iwachu. Ce journal rapporte qu'au marché central de Gitega, les vendeurs se disputent désormais les clients et c'est souvent le plus accueillant et convaincant qui écoule le plus de marchandises et que toutes les variétés de haricots ont réapparu en grande quantité sur les étals. C'est ainsi que les prix ont considérablement chuté. Un kilo de haricots mélangés se stabilise désormais à 2500 francs burundais, alors qu'il y a deux semaines, cette même variété oscillait entre 3500 et 4000 francs burundais, voire plus selon les localités, explique le reporter de cet hebdomadaire. Pour de nombreux habitants de la capitale politique du Burundi, cette baisse des prix représente une bouffée d'oxygène bienvenue. Mais elle ne résout pas le problème fondamental, l'imprévisibilité chronique du marché alimentaire burundais, analyse son confrère, qui estime que tant que le pays ne mettra pas en place des mécanismes de régulation plus efficaces, des incitations durables pour les producteurs et commerçants, ainsi qu'un filet de sécurité pour les consommateurs, ce scénario risque de se répéter au gré des spéculateurs et de conclure que la paix retrouvée dans les marmites burundaises pourrait bien être qu'un simple sursis. Revue de la presse. Quand la jacinthe d'eau s'invite à Rusumo, alerte Burundi Echo. En effet, rapporte son confrère, le barrage hydroélectrique de Rusumo est menacé par une plante envahissante appelée jacinthe d'eau. Cette plante suit les courants des eaux venant des affluents du barrage et tente d'entrer par les ouvertures destinées à l'eau de la centrale. Ingénieur Célestin Chimirimana, un électricien travaillant au projet hydroélectrique de Rusumo, a déclaré à cet hebdomadaire socio-économique qu'en principe, les activités agricoles y sont interdites et qu'il faudrait plutôt y planter des arbres agroforestiers pour prévenir l'érosion du sol. Car le bon fonctionnement du barrage exige de l'eau propre. En attendant de trouver une solution durable à cette problématique, des travaux de retrait de cette plante sont effectués chaque jour. Burundi Echo rappelle que la centrale hydroélectrique de Rusumo produit 80 MW répartis entre le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. Le Burundi bénéficie de 27 MW et la production d'électricité a débuté l'année dernière, souligne encore cet hebdomadaire socio-économique. Enfin, un meurtre dans la commune de Liansoro, deux hypothèses en présence d'après Net Press. Selon son confrère, des informations concordantes en provenance de la commune de Liansoro dans la province de Gitega rapportent qu'un corps sans vie a été découvert dans l'après-midi de ce 7 mai, flottant sur la rivière Ruvyironza. Le défunt s'appelait Léopold Mbisamatore, âgé de 42 ans, et son corps en état de décomposition a été découvert par des ouvriers d'un chantier dans le coin, précise ce journal, qui ajoute que la police privilégie l'hypothèse d'un accident par noyade, Mais les habitants de cette localité penchent vers un homicide prémédité et déguisé. Des informations recueillies sur place rapportent que le défunt avait des problèmes psychiques et qu'il avait toujours tenté de traverser cette rivière pour se rendre dans la commune de Rutovu, dans la province de Bururi, souligne encore ce quotidien en ligne. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.